Si, wesh, je suis bien ou quoi, poto? Ouais, on est là, la famille, hein. Ça dit quoi en ce moment vers chez toi, là, poto? Gros, en règle générale, ça gratte du sale. Du 9-4 au 9-5, on fracture les pédales. Baisse, écrase la pédale. Pendant, cache-cas des fourrailles. Les usurpateurs, je les craille. Ma caille, remplis le gobelet de Sky. J'crache sur les Dura comme Sky. Le projet est street, donc pour les types qui la squattent, j'viens pas en escouade, juste avec ma petite gueule. Si y'a l'air gars, j'assumerai seul. Besoin d'un seul, foutu couplet. L'instru j'la taille d'air, comme une quête plat. Demande au poteau Mirza, toujours hausse pour Kebra. J'mets de côté ceux qui touchent au queue gras. À toutes ces merdes, bref, on se démerde. Toujours à la famille, famille. Bande de bâtards. L'État nous baise et nous éloigne des paftards. Bande de bâtards. On dépouillera tout ou toujours des cadars. Bande de bâtards. Des schmitts aux putes, on s'éloigne des traquenards. Bande de bâtards. 7 sur 7, un train de vie barbare. Je me sors les doigts du cul pour assumer mon train de vie, mon rap. Si t'aimes pas, j'en ai rien à foutre. J'fume des spliffs, écris des textes. Va quand j'ai rien à foutre. Et ça veut me tester alors que j'suis même pas dans le game. C'est à l'instinct que j'pose, à l'instinct que j'dose. À l'instinct, poto, que j'te parle toujours des mêmes causes. Jeune ingérable comme objectif, réussir ma vie. Genre d'un bloc sale où tout ressort une putain de vie instable. J'suis pas celui qui bigrave des kilotonnes, plutôt celui qui les fume. Même si j'pourrais même kilophone. Ça joue les gros, ça prend pas de bif avec des kilos de com. CBES, 9-4 Valdez, j'représente les terrasses. Les endroits sombres où ça se tape pour de la paperasse. Y'a trop de pétasses qui jacasse. BESHK, aussi douloureux qu'un casse. C'est bon, son tourne, poteau, ça te fracasse. Bande de bâtards. L'État nous baise et nous éloigne des paftards. Bande de bâtards. On dépouillera tout ou toujours des cabdards. Bande de bâtards. Des schmitts aux putes, on s'éloigne des traquenards. Bande de bâtards. 7 sur 7, un train de vie barbare. Ah poto, on a kické sa bande de putes. 9-4, 9-5 poto. Aïe aïe aïe, on est là. Aïe, on est là poto, on est là. BES, je suis pourri.